On retrouve, comme chaque lundi avant ça, Raymond Poirier pour sa chronique technologie d'information. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Écoute, encore un événement autour du numérique la semaine dernière, c'est le Carrefour numérique. Ça s'est passé quand exactement? Vendredi dernier, sur la thématique de la participation citoyenne à l'ère 2.0, à l'ère du numérique, voir un peu les tangentes qui s'amènent autour de ça. Et comme c'est un avant-midi quand même assez stimulant, je me suis dit, ben poursuivons un peu sur cette réflexion-là. Autour justement des différents moyens, autour d'une espèce d'état des lieux, dans le fond, qui nous a été présenté en la matière. Oui, parce qu'on recevait déjà la semaine dernière Thierry Giasson, qui a présenté une conférence ce vendredi. C'était « Le citoyen canadien participe-t-il activement à la politique sur le web ?» On est bien curieux de connaître la réponse. Et la réponse, c'est « oui ». Si on peut dire, oui. si je simplifie, dans la mesure où, de manière générale, ce qu'il a remarqué au fil d'une grande enquête pan-canadienne, en fait, c'est une enquête qui va s'échelonner d'ailleurs sur encore quelques années, mais c'est le premier volet de l'enquête, donc on parle d'un sondage téléphonique lancé auprès de 2000 personnes, un peu plus de 2000 personnes à la grandeur du pays. Et essentiellement, ce qui en ressort, c'est que, de manière générale, les gens qui s'impliquent sur le plan politique, qui s'engagent sur le plan politique, vont le faire d'abord et avant tout hors du web. Évidemment, on est dans un système où le vote n'est pas électronique, donc nécessairement, on ne peut pas avoir qu'un investissement politique qui sera sur le web, si on décide d'aller jusqu'au bout. Et généralement, ben, ceux qui s'impliquent politiquement sur le web, ce sont des gens qui vont voter, qui vont s'engager d'autres manières, manifester, en parler aussi de politique dans des rendez-vous familiales et dans des rencontres réelles et non virtuelles. Alors nécessairement, donc, il y a un pan plus important de Canadiens et Canadiennes qui s'intéressent à la politique que de Canadiens et Canadiennes qui vont s'intéresser à la politique sur le web. Et ensuite, il y a toujours les différentes échelles qu'on peut aller chercher selon le type d'implication. Évidemment, quand on parle d'implication en ligne, eux, ils vont de manière assez vaste. Là, c'est autant échanger sur la politique, faire partager des publications, faire des dons en ligne, signer des pétitions en ligne, diffuser des opinions politiques sur son fil d'actualité et le reste. Et de manière générale, ben, on va remarquer, par exemple, que certaines plateformes comme Facebook sont peut-être un peu plus utilisées versus bon Twitter, qui est un peu plus le lot de ce qu'on a appelé des hyper-citoyens, donc des gens qui sont très impliqués, très informés, parce que, justement, leur sondage va un peu de manière progressive au fil des différentes actions. Donc, on peut voir un peu la corrélation entre le fait, justement, d'échanger de l'information politique. Ben, qui le fait? Oui, mais sur quel médium? Et il y en a toujours, évidemment, beaucoup plus sur Facebook qui vont le faire que sur Twitter, qui parle de politique, qui s'engage en politique réelle et le reste. Alors, c'est intéressant un peu à suivre, évidemment dans un contexte aussi de démographie qui est changeante, où finalement, il y a quand même aussi plus de jeunes qui, on s'en doute, font de la politique sur le web que de personnes âgées. Donc, globalement, là, ça nous donne des constats quand même assez intéressants. Ça a eu le bénéfice au fil de l'activité de placer un peu le débat et de voir que, si le web est un espace de citoyenneté, c'est pas encore le seul espace de citoyenneté, le concept de participation, le concept de citoyenneté, le concept d'activité politique est beaucoup plus large que cette sphère-là. Et donc, la première conclusion, c'était, il faut s'y intéresser, mais il ne faut pas aller que vers le web si on veut véritablement apporter un changement. Mm-hmm. Oui, même s'il se passe déjà beaucoup de choses, il ne faut pas se limiter à ça. Mais la deuxième conférence a poursuivi dans ce thème-là, puisque la question était, où en sommes-nous en matière de participation citoyenne? Une conférence donnée par Sel Mellouli, pardon. Exactement. Dans le fond, aussi le premier instant nous passait le fait qu'on y est quand même un peu sur le web, qu'on y est actif sur le web. Mais dans quelle mesure maintenant les gouvernements, dans quelle mesure les scientifiques se sont-ils intéressés à la sphère de la participation citoyenne et du numérique? Donc eux, ce qu'ils avaient choisi de faire, c'est de faire une grande revue de littérature pour essayer de voir quel sujet avait été analysé, avait été traité. Donc ils ont analysé plus de 500 publications qui semblaient être sur la thématique. Finalement, on a retenu 182. Sur les 182, premier constat, oui, on en parle en Amérique, oui, on en parle en Asie, mais des questions d'un point de vue purement scientifique, de participation citoyenne, on en parle principalement en Europe. Mm-hmm. Donc, c'est l'endroit où, pour l'instant, la réflexion se fait. Le chercheur disait d'ailleurs, ben, à un moment donné, il va falloir voir si on souhaite importer les idées qui viennent d'Europe ou développer nos propres idées, parce que pour l'instant, seulement avec le facteur des publications scientifiques, ben, eux ont une large avance. Ensuite, ben, on remarque un peu la nature des sujets, par exemple, qui sont soulevés, à quoi on s'intéresse. Et il remarque que la plupart des initiatives qui ont été analysées parlaient de bien-être, de qualité de vie, donc d'un point de vue citoyen. Parlaient sinon, ça c'est pratiquement 52% des publications. Sinon, on parlait de budget participatif, donc l'idée de faire participer la population au budget en leur demandant mais sur quoi vous aimeriez qu'on investisse, quelles sont vos priorités. Ça, c'est 19% des publications qui s'intéressent à ce type d'initiative-là. Sinon, les autres thématiques qui revenaient, c'était les notions de santé, d'éducation et de technologie. On parlait aussi beaucoup d'utiliser les médias sociaux, 41% qui se questionnaient là-dessus. Les sites web officiels des gouvernements, 22%. Les sondages et les enquêtes en ligne à 24%. Et parallèlement, ils ont remarqué aussi que ce sont de plus en plus des produits qui s'exportent, avec l'exemple de la Corée du Nord. Donc l'idée que eux ont développé des systèmes et on voit que des ventes entre guillemets, des prêts, des partenariats autour de ces systèmes-là qui se développent tranquillement dans d'autres pays. Alors, c'était un peu la première tranche de sa conférence. Et parallèlement, le professeur Melouli mettait aussi de l'avant le fait qu'à court terme, il va falloir aussi se trouver des manières de réagir, ne serait-ce que localement. Il citait en exemple le grand dossier qu'il y avait eu à Québec autour de la collecte des déchets. Finalement, ben, en l'espace d'à peu près une journée, quand le maire de Québec, Régis Labeaume, m'avait lancé sur son Facebook, ben, que devrions-nous faire? Ben, il y avait eu beaucoup de commentaires et de réactions. Et le chercheur les avait copiés-collés, avait analysé qu'il y avait à peu près 74 pages de texte là-dessus. Et il disait, ben, maintenant, la question, on peut identifier évidemment différentes tendances. Il y a des réponses aux problèmes, il y a des nouveaux problèmes qui sont évoqués, des incidents parallèles qui peuvent être analysés et le reste. Mais de quelle manière on peut tirer quelque chose de ces 74 pages-là, dans la mesure où, en plus, quand on sollicite les gens sur le web, et c'est la plupart des chercheurs qu'on a entendus au fil de l'avant-midi sont revenus là-dessus, si on sollicite les gens, si on demande leur avis, ben, les gens vont s'attendre aussi à avoir une rétroaction pour savoir s'ils ont été écoutés. Mm-hmm, et si on n'est pas évidemment capable de donner le retour, ben, ça, à un moment donné, c'est un déficit de confiance qui va se créer. Est-ce que ça arrive souvent, au final? Est-ce qu'on le sait? Peut-être un peu trop souvent, en fait. Ouais. Il y a cette étape-là et devient plutôt longue, plutôt ardue. Et effectivement, c'est difficile parfois de pouvoir expliquer de manière claire la nature de l'utilité. On donne seulement l'exemple de ce statut Facebook-là, quand même 74 pages de texte. Et on donnait l'exemple d'un autre, une enquête qui avait été lancée sur les finances publiques par le gouvernement provincial, il y a ça quelques mois, l'année dernière peut-être, ou qui avait récolté pratiquement 1700 quelques pages. Donc encore là, c'est astronomique. Il faut trouver une manière de colliger l'information, mm-hmm, de l'analyser de la façon la plus adéquate possible. Mm-hmm. Parce que les décideurs eux-mêmes n'ont pas le temps de lire les 1700 pages de commentaires. On survole plus qu'autre chose dans tous les cas. Dans la troisième conférence, on a parlé de l'utilisation de la médiation urbaine. Alors, je suis bien curieuse que tu m'expliques de quoi il s'agit. C'est l'idée, en fait, quand on parle souvent, quand on consulte les citoyens, il faut avoir des supports. Il faut pouvoir leur donner des outils pour bien comprendre la nature de l'enjeu, la nature du problème. Mm-hmm. Si on n'a pas un bon outil, si on n'a pas une bonne manière de vulgariser cette information-là, ben, les commentaires qu'on va générer, les réactions qu'on va générer risquent, si tu me permets le québécicisme, d'être un peu à côté de la traque. Donc, l'idée, c'est de bien enligner tout ça et à travers les différents outils, à un moment donné, il y a les représentations 3D qui sont imposées. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on dévoile un grand projet, ben, il y a toujours une espèce de maquette 3D où tout est beau qui est mise en valeur, qu'on sort des maquettes 3D peut-être un peu plus tactiles pour nous présenter des projets. Et ça semble être une voie la voie de la 3D risque de continuer à s'imposer. Mais le défi est justement de trouver une façon de rendre la plus réaliste possible ce type de simulation-là, au sens très, très large. Alors, la chercheure Sylvie Daniel a donné plusieurs exemples. Elle dit, bien évidemment, on utilise encore des maquettes à proprement parler, des maquettes 3D qu'on peut rendre disponibles en ligne, que tout le monde peut aller consulter. Il y a la ville de Rennes, notamment, qui, elle, a décidé de créer un écran tactile avec une maquette 3D des quartiers un peu calqué sur la maquette 3D de Google Earth, mais dans laquelle on rajoute différents éléments. Et donc, les gens, évidemment, n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller sur un ordinateur pour se rendre sur cette maquette-là. Alors, il faut la rendre disponible dans les quartiers. Donc, ils ont amené ça dans des vitrines de commerce les vitrines qui se transformaient en écrans tactiles gigantesques pour manipuler cette maquette-là. Et, entre autres exemples, elle nous a parlé d'un projet qu'elle développait justement avec Rennes Métropole, où l'idée, c'était carrément de créer des environnements virtuels, mais ancrés dans l'univers réel. Donc, dans l'idée, exemple, si on parle de Limoilou, eh ben, on parle par exemple de condos qui vont être construits au coin de la 3e rue, 3e avenue. Évidemment, on peut pas visualiser ces condos-là. On peut nous donner des photos, des images, mais dans ce cas-là, faut aller sur l'ordinateur et faut s'imaginer qu'est-ce que ça va avoir l'air dans la sphère réelle. Donc, l'idée, c'est de trouver une façon qu'on puisse se rendre au coin 3e avec notre ordinateur et qu'on puisse voir la nouvelle construction dans l'orifice, dans le trou, pouvoir peut-être se déplacer autour de cette construction-là pour la voir sous toutes ses facettes, mais aussi pouvoir être dans l'espace urbain dans lequel cette construction-là va s'insérer. Et donc pouvoir avoir un point de vue sur la tablette, certes, mais avec justement le référent du Centre des métiers d'art, par exemple, de la station-service, des bâtiments des alentours. Et c'est exactement ce qu'elle a développé avec la ville de Rennes. Donc avec ce qu'elle appelle la simulation située, on part avec la tablette, on se rend dans le centre-ville et on voit les nouvelles constructions et on marche, les constructions qui sont déjà présentes aussi. Et on a la référence immédiate du déplacement, d'être sur place, et où le point de vue qu'on a sur la construction, virtuellement, c'est le point de vue qu'on aurait dans l'endroit précis où on se trouve, avec la vue précise qu'on a sur le truc, dans la réalité, finalement. Mais c'est un sacré monde virtuel. En tout cas, ça fait une caméra très, très interactive. Mais oui, ça va être réservé aux gens qui auront des tablettes dans ces cas-là. Ou du prêt de tablette. On s'entend que de toute façon, en même temps, si on regarde un peu les prix, ça reste quand même des outils qui risquent d'être de plus en plus démocratisés. Mais effectivement, quand on rentre un peu dans ces questions-là, il y a toujours la fraction numérique, le 20% de non-usagers. Quand on rentre en plus dans des outils spécifiques, ben il y a une quantité toujours plus importante d'usagers. Donc, dans ces cas-là, faut effectivement penser à l'idée de rendre accessibles les outils qui vont être nécessaires. Ouais. Donc, avec le prêt de tablette, ce serait effectivement une solution. Un autre exemple qui a été donné lors de la conférence de Marie-Noëlle Chouinard, et c'était la dernière, c'est l'utilisation du crowdsourcing. Donc ça, on pourrait expliquer également ce que c'est. Hein? Oui, en fait, c'est un peu sur le principe de l'aménagement participatif, dans l'idée où, plutôt que de développer un projet à l'interne, au niveau de l'administration municipale et en cours de route de présenter le projet qu'on a développé aux citoyens et citoyennes, c'est l'idée de développer le projet au fil des étapes de développement, d'impliquer à différents endroits, à différents moments, les citoyens. Donc, dès le départ, savoir un peu quelles sont les attentes, quels sont les usages, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, quels éléments pourraient être mis de l'avant. Ensuite, revenir dans une deuxième étape, avoir des rétroactions, etc., pour s'assurer, et c'est un peu l'avantage qu'on disait, pour s'assurer une certaine acceptabilité sociale. Donc, de certaines, pas avoir à faire l'ensemble du travail de développement pour se retrouver un peu dans une situation où finalement, ben, le projet, il est rejeté de manière massive. Et donc, de quelle manière peut-on faire ça? Et dans son travail de maîtrise, en fait, Mme Chouinard a fait une analyse entre les méthodes classiques, donc d'avoir un focus group d'experts ou de citoyens experts informés qui donnent leur avis, qui opinent, qui discutent avec des post-it, avec des trucs un peu plus classiques, et des versions informatiques, donc à partir de sites web, de plateformes et le reste, pour essayer de voir quel outil pourrait être le plus pertinent, finalement, pour en arriver avec la conclusion que les groupes traditionnels ont leur utilité. Et ont toujours leur pertinence dans la mesure où les outils de débat et de discussion sur base numérique sont pas encore nécessairement à point pour permettre un débat aussi en profondeur que ce qu'on va voir dans le réel, mais que par contre, les outils de sondage en ligne qui permettent de cibler des besoins, de cibler des attentes, de cibler des rétroactions de manière peut-être un peu plus précise, ou de voter pour des idées, eux sont peut-être justement un peu plus solides, un peu plus à point, et leur utilité, leur intégration dans le processus d'aménagement peut être particulièrement utile pour les concepteurs et à moyen terme et à long terme pour la population qui va vivre avec ces installations-là. D'accord. Donc encore plein de belles initiatives au programme. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve lundi prochain pour la dernière de l'année. Déjà. Dernière chronique technologie d'information.